La vie de Michel-Ange. Romain Rolland. Seconde partie de la deuxième partie. Foi. Signor mio caro. Te sol chiamo invoca contra l'inutile mio cieco tormento. Son désir eût été, après la mort de Vittoria, de revenir à Florence pour coucher ses os fatigués à côté de son père dans le repos. Mais, après avoir servi toute sa vie les papes, il voulut consacrer ses dernières années à servir Dieu. Peut-être y avait-il été poussé par son ami et accomplissait-il un de ses derniers vœux. Un mois avant la mort de Vittoria Colonna, le 1er janvier 1547, Michel-Ange était en effet nommé, par brève de Paul III, préfet et architecte de Saint-Pierre, avec plein pouvoir pour élever l'édifice. Il n'accepta pas sans peine. Et ce ne furent pas les instances du pape qui le décidèrent à charger ses épaules de septuagénaire du fardeau le plus lourd qu'il eût encore porté. Il vit là un devoir, une mission de Dieu. Beaucoup croient, et je crois, que j'ai été placé à ce poste par Dieu, écrivait-il. Si vieux que je sois, je ne veux pas l'abandonner, car je sers par amour de Dieu, et je place en lui toutes mes espérances. Il n'acceptait aucun paiement pour cette tâche sacrée. Il s'y trouva aux prises avec de nombreux ennemis, la secte de San Gallo, comme dit Vasari, et tous les administrateurs, fournisseurs, entrepreneurs de la construction, dont il dénonçait les fraudes et sur lesquels San Gallo avait toujours fermé les yeux. Michel-Ange, dit Vasari, délivra Saint-Pierre des voleurs et des bandits. Une coalition se forma contre lui. Elle eut pour chef l'effronté Nanni di Baccio Biggio, un architecte que Vasari accuse d'avoir volé Michel-Ange et qui visait à le supplanter. On répandit le bruit que Michel-Ange n'entendait rien à l'architecture, qu'il gaspillait l'argent et ne faisait que détruire l'œuvre de ses prédécesseurs. Le comité d'administration du bâtiment, prenant lui-même parti contre son architecte, provoqua en 1551 une enquête solennelle présidé par le pape. Les inspecteurs et les ouvriers vinrent y déposer contre Michel-Ange, avec l'appui des cardinaux Salviati et Cervini. Michel-Ange daigna à peine se justifier. Il refusa toute discussion. « Je ne suis pas obligé, dit-il au cardinal Cervini, de vous communiquer à vous ou à qui que ce soit ce que je dois ou veux faire. Votre affaire est de surveiller les dépenses. Le reste ne regarde que moi. » Jamais son orgueil intraitable ne consentit à faire part de ses projets à personne. À ses ouvriers qui se plaignaient, il répondait « Votre affaire est de maçonner, de tailler, de menuiser, de faire votre métier et d'exécuter mes ordres. Quant à savoir ce que j'ai dans l'esprit, vous ne l'apprendrez jamais, car ce serait contre ma dignité. » Contre les haines que le tel procédé soulevait, il n'eût pu se soutenir un instant sans la faveur des papes. Aussi, lorsque mourut Jules III et que le cardinal Cervini devint pape, Michel-Ange fut sur le point de quitter Rome, mais Marcel II ne fit que passer sur le trône et Paul IV lui succéda. De nouveau assuré de la protection souveraine, Michel-Ange continua de lutter. Il se fut cru déshonoré et il eut craint pour son salut s'il avait abandonné l'œuvre. « Contre ma volonté, j'en ai été chargé, dit-il. Voici 8 ans que je m'y épuise en vain, au milieu de tous les ennuis et de toutes les fatigues. Maintenant que la construction est assez avancée pour que l'on puisse commencer à voûter la coupole, mon départ de Rome serait la ruine de l'œuvre, un grand affront pour moi et pour mon âme un très grand péché. » Ses ennemis ne désarmaient point, et la lutte, un moment, prit un caractère tragique. En 1563, l'aide le plus dévoué de Michel-Ange à Saint-Pierre, Pierluigi Gaeta, fut jeté en prison sous la fausse accusation de vol, et le chef des travaux, Cesare da Casteldurante, fut poignardé. Michel-Ange répondit en nommant à la place de Cesare Gaeta. Le comité d'administration chassa Gaeta et nomma l'ennemi de Michel-Ange, Nanni di Baccio Biggio. Michel-Ange, hors de lui, ne vint plus à Saint-Pierre. On fit courir le bruit qu'il se démettait de ses fonctions, et le comité lui donna pour suppléant Nanni, qui trancha aussitôt du maître. Il comptait finir par lasser le vieil homme de 88 ans, malade et moribond. Il ne connaissait pas son adversaire. Michel-Ange, sur le champ, alla trouver le pape. Il menaça de quitter Rome si justice ne lui était faite. Il exigea une nouvelle enquête, convainquit Nanni d'incapacité et de mensonge, et le fit chasser. C'était en septembre 1563, 4 mois avant sa mort. Ainsi, jusqu'à la dernière heure, il eut à lutter contre la jalousie et contre la haine. Ne le plaignons pas. Il savait se défendre et, mourant, il était capable lui seul, comme il disait, jadis à son frère Giovanni Simone, de mettre en pièces 10 000 de cette engeance. En dehors de la grande œuvre de Saint-Pierre, d'autres travaux d'architecture occupèrent la fin de sa vie. Le Capitole, l'église Santa Maria degli Angeli, l'escalier de la Laurenziana de Florence et la Porta Pia, et surtout l'église San Giovanni dei Fiorentini, dernier de ses grands projets, avorté comme les autres. Les Florentins l'avaient prié d'élever l'église de leur nation à Rome. Le duc Cosme lui-même lui écrivit une lettre flatteuse à ce sujet, et Michel-Ange, soutenu par son amour pour Florence, entreprit l'œuvre avec un enthousiasme juvénile. Il dit à ses compatriotes que s'ils exécutaient son plan, ni les Romains ni les Grecs n'auraient jamais rien eu de semblable. Parole, dit Vasari, telle qui n'en sortit jamais de sa bouche, ni avant ni après, car il était extrêmement modeste. Les Florentins acceptèrent le plan sans rien y changer. Un ami de Michel-Ange, Tiberio Calcagni, exécuta, sous sa direction, un modèle en bois de l'église. C'était une œuvre d'un art si rare qu'on n'a jamais vu une église pareille pour la beauté, la richesse et la variété. On commença la construction, on dépensa 5 000 écus, puis l'argent manqua et on resta là. Et Michel-Ange en éprouva le plus violent chagrin. L'église ne fut jamais construite et même le modèle a disparu. Telle fut la dernière déception artistique de Michel-Ange. Comment eût-il pu avoir l'illusion, en mourant, que Saint-Pierre, à peine ébauché, serait jamais réalisé, qu'aucune de ses œuvres lui survivrait. Lui-même, s'il eût été libre, peut-être les eût-il brisées. L'histoire de sa dernière sculpture, la déposition de croix de la cathédrale de Florence, montre à quel détachement de l'art il était arrivé. S'il continuait encore de sculpter, ce n'était plus parfois dans l'art mais parfois dans le Christ, et parce que son esprit et sa force ne pouvaient s'empêcher de créer. Mais quand il eut fini son œuvre, il la brisa. Il l'eût détruite entièrement si son serviteur Antonio ne l'avait supplié de la lui donner. Telle était l'indifférence que Michel-Ange, près de la mort, témoignait à ses œuvres. Depuis la mort de Vittoria, nulle grande affection n'éclairait plus sa vie. L'amour était parti. Fiamma d'amor nel cor non mi rimasta, sel maggior caccia sempre il minor duolo, di pene l'alma o ben tarpate rasa. La flamme d'amour n'est pas restée dans mon cœur. Le pire mal, la vieillesse, chasse toujours le moindre. J'ai rogné les ailes de l'âme. Il avait perdu ses frères et ses meilleurs amis. Luigi del Riccio était mort en 1546. Sébastien del Piombo en 1547. Son frère, Giovanni Simone, en 1548. Il n'eut jamais grande relation avec son dernier frère, Gismondo, qui mourut en 1555. Il avait reporté son besoin d'affection familiale et bourrue sur ses neveux orphelins, sur les enfants de Buonarroto, son frère le plus aimé. Ils étaient deux, une fille, Cecca, Francesca, et un garçon, Leonardo. Michel-Ange plaça Cecca dans un couvent. Il lui constitua un trousseau. Il payait sa pension. Il allait la voir et, quand elle se maria, il lui donna en dot un de ses biens. Il se chargea personnellement de l'éducation de Leonardo, qui avait 9 ans à la mort de son père. Une longue correspondance, qui rappelle souvent celle de Beethoven avec son neveu, témoigne du sérieux avec lequel il remplit sa mission paternelle. Ce ne fut pas sans de fréquentes colères. Leonardo mettait souvent à l'épreuve la patience de son oncle, et cette patience n'était pas grande. La mauvaise écriture du jeune garçon suffisait à jeter Michel-Ange hors des gonds. Il y voyait un manque d'égard envers lui. « Jamais je ne reçois une lettre de toi. Que la fièvre ne me vienne avant que je puisse la lire. Je ne sais pas où tu as appris à écrire. Peu d'amour. Je crois que quand tu aurais à écrire au plus grand âne du monde, tu y mettrais plus de soin. J'ai jeté ta dernière lettre au feu parce que je ne pouvais pas la lire. Je ne peux donc pas y répondre. Je t'ai déjà dit et répété à satiété que chaque fois que je reçois une lettre de toi, la fièvre me vient avant que je réussisse à la lire. Une fois pour toutes, ne m'écris plus à l'avenir. Si tu as quelque chose à me faire savoir, trouve quelqu'un qui sache écrire, car j'ai besoin de ma tête pour autre chose que pour m'épuiser à déchiffrer tes grimoires. » Défiant de nature et rendu plus soupçonneux encore par les déboires avec ses frères, il se faisait peu d'illusions sur l'affection humble et flagorneuse de son neveu. Cette affection lui semblait surtout s'adresser à son coffre-fort, dont le petit savait qu'il hériterait. Michel-Ange ne se gênait pas pour le lui dire. Une fois, étant malade et en danger de mort, il apprend que Leonardo est accouru à Rome et y a fait quelques démarches indiscrètes. Il lui écrit furieux. « Leonardo, j'ai été malade, et tu as couru chez Ser Giovan Francesco pour voir si je ne laissais rien. N'as-tu pas assez de mon argent à Florence ? Tu ne peux pas mentir à ta race et manquer de ressembler à ton père qui m'a chassé à Florence de ma propre maison. Sache que j'ai fait un testament de telle sorte que tu n'as plus rien à attendre de moi. Donc, va avec Dieu et ne te présente plus devant mes yeux et ne m'écris plus jamais. » Ces colères n'émouvaient guère Leonardo, car elles étaient généralement suivies de lettres affectueuses et de cadeaux. Un an plus tard, il se précipitait de nouveau à Rome, alléché par la promesse d'un présent de 3 000 écus. Michel-Ange, blessé de son empressement intéressé, lui écrit. « Tu es venu à Rome avec une hâte furieuse. Je ne sais pas si tu serais venu aussi vite, si je m'étais trouvé dans la misère et si le pain m'avait manqué. Tu dis que c'était ton devoir de venir par amour pour moi. Oui, l'amour d'un perce-bois. Si tu avais de l'amour pour moi, tu m'aurais écrit. Michel-Ange. Gardez les 3 000 écus et dépensez-les pour vous, car vous nous avez tant donné que cela nous suffit. Votre vie est plus chère que la fortune. Mais depuis 40 ans, vous avez vécu de moi et jamais je n'ai reçu de vous seulement une bonne parole. » Une grave question fut celle du mariage de Leonardo. Elle occupa l'oncle et le neveu pendant 6 ans. Leonardo, docile, ménageait l'oncle à l'héritage. Il acceptait toutes ses observations, le laisser choisir, discuter, rejeter les parties qui s'offraient. Il semblait indifférent. Michel-Ange se passionnait, au contraire, comme si c'était lui qui devait se marier. Il regardait le mariage comme une affaire sérieuse, dont l'amour était la moindre condition. La fortune n'entrait pas beaucoup plus en ligne de compte. Ce qui importait, c'était la santé et l'honorabilité. Il donnait de rudes conseils dénués de poésie, robustes et positifs. « C'est une grosse décision. » Souviens-toi qu'entre l'homme et la femme, il doit toujours y avoir une différence d'âge de 10 ans. Et fais attention à ce que celle que tu choisiras ne soit pas seulement bonne, mais saine. On m'a parlé de plusieurs personnes. L'une m'a plu, l'autre non. Si tu y penses, écris-moi donc, au cas où tu aies plus de plaisir à l'une qu'à l'autre. Je t'en dirai mon avis. Tu es libre de prendre l'une ou l'autre, pourvu qu'elle soit noble et bien élevée, et plutôt sans dot qu'avec une grosse dot, afin de vivre en paix. Un Florentin m'a dit qu'on t'a parlé d'une fille de la maison Ginori et qu'elle te plaît. Il ne me plaît pas à moi que tu prennes pour femme une fille que le père ne te donnerait pas, s'il avait assez pour lui constituer une dot convenable. Je désire que celui qui veut te donner une femme la donne à toi et non à ta fortune. Tu as uniquement à considérer la santé de l'âme et du corps, la qualité du sang et des mœurs, et, de plus, qui elle a pour parent. Car cela est de grande importance. Donne-toi la peine de trouver une femme qui n'ait pas honte de laver les plats en cas de nécessité et de s'occuper des choses du ménage. Quant à la beauté, comme tu n'es pas précisément le plus beau jeune homme de Florence, ne t'en inquiète pas. pourvu seulement qu'elle ne soit pas estropiée ou repoussante. Après bien des recherches, il semble qu'on ait mis la main sur l'oiseau rare. Mais au dernier moment, voici qu'on lui découvre un vice rédhibitoire. J'apprends qu'elle a la vue basse, ce qui ne me paraît pas un petit défaut. Aussi, je n'ai rien promis encore, puisque tu n'as rien promis non plus, mon avis, et que tu te dégages, si tu es certain de la chose. Leonardo se décourage. Il s'étonne de l'insistance que son oncle met à vouloir le marier. « Cela est vrai, » répond Michel-Ange. « Je le désire. Cela est bon pour que notre race ne finisse pas avec nous. Je sais bien que le monde n'en serait pas ébranlé, mais enfin, chaque animal s'efforce de conserver son espèce. C'est pourquoi je désire que tu te maries. » Enfin, Michel-Ange lui-même se lasse. Il commence à trouver ridicule que ce soit lui qui s'occupe toujours du mariage de Leonardo et que celui-ci ait l'air de s'en désintéresser. Il déclare qu'il ne s'en mêlera plus. « Depuis 60 ans, je me suis occupé de vos affaires. Maintenant, je suis vieux et je dois penser aux miennes. » Juste à ce moment, il apprend que son neveu vient de se fiancer avec Cassandra Ridolfi. Il se réjouit, il le félicite et il lui promet une dot de 1 500 ducats. Leonardo se marie. Michel-Ange envoie ses souhaits aux jeunes époux et promet un collier de perles à Cassandra. La joie ne l'empêche pas, toutefois, d'avertir son neveu que, quoiqu'il ne se connaisse pas très bien à ces choses, il lui semble que Leonardo aurait dû régler très exactement toutes les questions d'argent avant de conduire la femme dans sa maison, car il y a toujours dans ces questions un germe de désunion. Il termine par cette recommandation goguenarde. « Allons, et maintenant tâche de vivre. » Et pense-y bien, car le nombre des veuves est toujours plus grand que celui des veufs. 2 mois après, au lieu du collier promis, il envoie 2 bagues à Cassandra, l'une ornée d'un diamant, l'autre d'un rubis. Cassandra, en remerciement, lui envoie 8 chemises. Michel-Ange écrit. Elles sont belles, surtout la toile, et elles me plaisent fort, mais je suis fâché que vous ayez fait cette dépense, car il ne me manquait rien. Remercie bien Cassandra pour moi et dis-lui que je suis à sa disposition pour lui envoyer tout ce que je pourrais trouver ici, en fait d'articles romains ou autres. Cette fois, j'ai envoyé seulement une petite chose. Une autre fois, nous ferons mieux avec quelque objet qui lui fasse plaisir. Envertis-moi seulement. Viennent bientôt les enfants. Le premier, appelé Buonarroto, sur le désir de Michel-Ange. Le second, nommé Michelangelo, qui meurt peu après sa naissance. Et le vieil oncle qui invite le jeune couple à venir chez lui à Rome en 1556 ne cesse de prendre part affectueusement aux joies comme aux douleurs de la famille, mais sans jamais permettre aux siens de s'occuper de ses affaires, ni même de sa santé. En dehors de ses relations de famille, Michel-Ange ne manqua point d'amitiés illustres ou distinguées. Malgré son humeur sauvage, il serait tout à fait faux de se le représenter comme un paysan du Danube à la façon de Beethoven. Il fut un aristocrate italien, de haute culture et de race fine. Depuis son adolescence passée dans les jardins de San Marco, auprès de Laurent le Magnifique, il resta en rapport avec tout ce que l'Italie comptait de plus noble parmi ses grands seigneurs, ses princes, ses prélats, ses écrivains et ses artistes. Il faisait assaut d'esprit avec le poète Francesco Berni. Il correspondait avec Benedetto Varchi. Il échangeait des poésies avec Luigi Del Riccio et avec Donato Giannotti. On recherchait sa conversation, ses aperçus profonds sur l'art, ses remarques sur Dante que personne ne connaissait comme lui. Une dame roumaine écrivait qu'il était, quand il voulait, un gentilhomme de manière fine et séduisante, et tel qu'il existait à peine son pareil en Europe. Les dialogues de Giannotti et de François de Hollande montrent sa politesse exquise et l'habitude qu'il avait du monde. On voit même, par certaines de ses lettres au prince, qu'il lui eût été facile d'être un parfait courtisan. Le monde ne l'a jamais fui. C'est lui qui le tint à distance. Il ne dépendit que de lui de mener une vie triomphale. Il était pour l'Italie l'incarnation de son génie. À la fin de sa carrière, dernier survivant de la grande Renaissance, il la personnifiait. Il était à lui seul tout un siècle de gloire. Ce n'étaient pas seulement les artistes qui le regardaient comme un être surnaturel. Les princes s'inclinaient devant sa royauté. François Ier et Catherine de Médicis lui rendaient hommage. Cosme de Médicis voulut le nommer sénateur, et quand il vint à Rome, il le traita en égal, le fit asseoir à côté de lui, l'entretint confidentiellement. Le fils de Cosme, Don Francesco de Médicis, le reçut, sa barrette à la main, témoignant d'un respect sans bornes pour un homme aussi rare. On n'honorait pas moins en lui son génie que sa grande vertu. Sa vieillesse fut entourée d'autant de gloire que celle de Goethe ou de Hugo, mais il était un homme d'un autre métal. Il n'avait ni la soif de popularité de l'un, ni le respect bourgeois de l'autre, si libre qu'il fût, pour le monde et pour l'autre établi. Il méprisait la gloire, il méprisait le monde. Et s'il servait les papes, c'était par contrainte. Encore ne cachait-il pas que même les papes l'ennuyaient et le fâchaient parfois, en causant avec lui et le faisant chercher, et que, malgré leurs ordres, il négligeait de venir, quand il n'était pas disposé. Lorsqu'un homme est ainsi fait par nature et par l'éducation qu'il haïsse les cérémonies et méprise l'hypocrisie, il n'y a pas de bon sens à ne pas le laisser vivre comme il lui convient. S'il ne vous demande rien et ne cherche pas votre société, pourquoi cherchez-vous la sienne? Pourquoi voulez-vous l'abaisser à ces niaiseries qui répugnent à son éloignement du monde? Celui-là n'est pas un homme supérieur qui pense à plaire aux imbéciles plutôt qu'à son génie. Il n'avait donc avec le monde que les relations indispensables ou des rapports tout intellectuels. Il ne lui laissait pas accès dans son intimité, et les papes, les princes, les gens de lettres et les artistes tenaient peu de place dans sa vie, même avec le petit nombre d'entre eux pour qui il éprouvait une réelle sympathie. Il était rare qu'il s'établît une amitié durable. Il aimait ses amis, il était généreux envers eux, mais sa violence, son orgueil, ses soupçons lui faisaient souvent de ceux qu'il avait le plus obligés des ennemis mortels. Il écrivit un jour cette belle et triste lettre. « Le pauvre ingrat est ainsi fait de nature que si vous lui venez en aide dans sa détresse, il dit que lui-même vous a avancé ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez du travail pour lui témoigner votre intérêt, il prétend que vous avez été forcé de lui confier ce travail parce que vous n'y entendez rien. Tous les bienfaits qu'il reçoit, il dit que le bienfaiteur y a été obligé. Et si les bienfaits reçus sont si évidents qu'il est impossible de les nier, alors l'ingrat attend assez longtemps pour que celui dont il a reçu du bien tombe dans une faute évidente. Alors, il a un prétexte de dire du mal de lui et de se libérer de toute reconnaissance. Ainsi, on a toujours agi envers moi, et pourtant, pas un artiste ne s'est adressé à moi sans que je lui ai fait du bien et de tout mon cœur. Et puis, ils prennent prétexte de mon humeur bizarre ou de la folie dont ils prétendent que je suis atteint et qui ne fait tort qu'à moi, pour dire du mal de moi. Et ils m'outragent. C'est le lot de tous ceux qui sont bons. Dans sa propre maison, il avait des aides assez dévouées, mais en général médiocres. On le soupçonnait de les choisir médiocres à dessein pour n'avoir en eux que des instruments dociles et non des collaborateurs, ce qui, au reste, eût été légitime. Mais, dit Condivi, il n'était pas vrai, comme beaucoup le lui reprochaient, qu'il ne voulut pas instruire. Au contraire, il le faisait volontiers. Malheureusement, la fatalité voulut qu'il tombât ou sur des sujets peu capables, ou sur des sujets capables mais peu persévérants, qui, après quelques mois de son enseignement, se tenaient déjà pour des maîtres. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que la première qualité qu'il exigeait de ses aides était une soumission absolue. Autant il était impitoyable pour ceux qui affectaient à son égard une indépendance cavalière, autant il eut toujours pour les disciples modestes et fidèles des trésors d'indulgence et de générosité. Le paresseux Urbano, qui ne voulait pas travailler, et qui avait bien raison car, lorsqu'il travaillait, c'était pour gâter irrémédiablement par sa maladresse le Christ de la Minerve, fut, pendant une maladie, l'objet de ses soins paternels. Il l'appelait Michel-Ange, cher comme le meilleur père. Piero di Gianotto fut aimé comme un fils. Silvio di Giovanni Cepparello sortit de chez lui pour entrer au service d'André Doria, se désole et le supplie de le reprendre. L'histoire touchante d'Antonio Mini est un exemple de la générosité de Michel-Ange envers ses aides. Mini, celui de ses disciples qui, d'après Vasari, avait bonne volonté mais qui n'était pas intelligent, aimait la fille d'une pauvre veuve de Florence. Sur le désir de ses parents, Michel-Ange l'éloigna de Florence. Antonio voulut aller en France. Michel-Ange lui fit un don royal. Tous les dessins, tous les cartons, la peinture de la Leda, tous les modèles qu'il avait faits pour elle, aussi bien en cire qu'en argile. Muni de cette fortune, Antonio partit. Mais la mauvaise chance qui frappait les projets de Michel-Ange frappa plus durement encore ceux de son humble ami. Il alla à Paris pour montrer le tableau de la Leda au roi. François Ier était absent. Antonio laissa la Leda en garde chez un Italien de ses amis, Giuliano Buonaccorsi, et revint à Lyon où il s'était fixé. Quand il retourna à Paris, quelques mois plus tard, la Leda avait disparu. Buonaccorsi l'avait vendue pour son compte à François Ier. Antonio, affolé, sans ressources, incapable de se défendre, perdu dans cette ville étrangère, mourut de chagrin à la fin de 1533. Mais de tous ses aides, celui que Michel-Ange aima le mieux et à qui son affection assura l'immortalité fut Francesco d'Amadore, surnommé Urbino, de Castel Durante. Il était depuis 1530 au service de Michel-Ange et il travailla sous ses ordres au tombeau de Jules II. Michel-Ange s'inquiétait de ce qu'il deviendrait après lui. Il lui disait « Que feras-tu si je meurs ?» Urbino répondit « Je servirai un autre. »« Oh malheureux, dit Michel-Ange, je veux remédier à ta misère. » Et il lui donna 2000 écus d'un coup, un présent comme seuls les empereurs et les papes en peuvent faire. Ce fut Urbino qui mourut le premier. Le lendemain de sa mort, Michel-Ange écrivait à son neveu. Urbino est mort, hier au soir, à 4 heures. Il m'a laissé si affligé et si troublé qu'il m'eût été plus doux de mourir avec lui. À cause de l'amour que je lui portais, et il le méritait bien, car c'était un digne homme loyal et fidèle. Sa mort fait qu'il me semble ne plus vivre, et je ne puis retrouver la tranquillité. Sa douleur était si profonde qu'elle se fait plus cuisante encore. 3 mois après, dans une lettre célèbre à Vasari. Messer Giorgio, mon cher ami, il se peut que j'écrive mal. Cependant, en réponse à votre lettre, j'écrirai quelques mots. Vous savez qu'Urbino est mort, ce qui est pour moi une peine très cruelle, mais aussi une grâce très grande que Dieu m'a faite. Cette grâce, c'est que lui qui, vivant, m'a gardé à la vie, mourant, m'a appris à mourir, non pas avec déplaisir, mais avec le désir de la mort. Je l'ai gardé 26 ans, et je l'ai toujours trouvé très sûr et très fidèle. Je l'avais enrichi, et maintenant que je comptais sur lui pour être le soutien de ma vieillesse, il m'est enlevé, et il ne me reste d'autre espérance que de le revoir en paradis où Dieu, par la très heureuse mort qu'il lui a procurée, a bien montré qu'il devait être. Ce qui a été pour lui plus dur que la mort, ça a été de me laisser vivant dans un monde trompeur et au milieu de tant d'inquiétudes. La meilleure partie de moi-même s'en est allée avec lui, et il ne me reste plus rien qu'une misère infinie. Dans son désarroi, il pria son neveu de venir le voir à Rome. Leonardo et Cassandra, inquiets de son chagrin, vinrent et le trouvèrent fort affaibli. Il puisa une force nouvelle dans l'obligation que Urbino lui avait imposée de se charger de la tutelle de ses fils, dont l'un était son filleul et portait son nom. Il avait d'autres amitiés étranges. Par ce besoin de réaction si fort chez les natures robustes contre toutes les contraintes qu'impose la société, il aimait à s'entourer de gens simples d'esprit qui avaient des saillies inattendues et de libre façon, des gens qui ne fussent pas comme tout le monde. Un Topolino, tailleur de pierre à Carrare, qui s'imaginait être un sculpteur distingué et qui n'eût jamais laissé partir pour Rome une barque chargée de blocs de marbre sans envoyer 3 ou 4 petites figures modelées par lui qui faisaient mourir de rire Michel-Ange. Un Menighella, peintre à Valdarno, qui venait de temps en temps chez Michel-Ange pour qu'il lui dessinât un saint Roch ou un saint Antoine qu'il coloriait ensuite et vendait aux paysans. Et Michel-Ange, dont les rois avaient tant de peine à obtenir le moindre travail, laissait tout pour exécuter ses dessins sur les indications de Méniguel, entre autres un crucifix admirable. Un barbier qui se mêlait de peinture et pour qui il dessina le carton d'un saint François au stigmate. Un de ces ouvriers romains qui travaillait au tombeau de Jules II et qui crut être devenu un grand sculpteur sans y avoir pris garde parce que, en suivant docilement les indications de Michel-Ange, il avait fait sortir du marbre, à sa stupéfaction, une belle statue. Le facétieux orfèvre Piloto, dit Lasca, le fainéant Indaco, ce peintre singulier, qui aimait autant à bavarder qu'il détestait de peindre, et qui avait coutume de dire que travailler toujours sans prendre de plaisir était indigne d'un chrétien. Surtout le ridicule et inoffensif Giuliano Bugiardini, pour qui Michel-Ange avait une sympathie spéciale. Giuliano avait une bonté naturelle, une façon simple de vivre, sans méchanceté et sans envie qui plaisait infiniment à Michel-Ange. Il n'avait d'autre défaut que d'aimer trop ses propres œuvres, mais Michel-Ange avait coutume de l'estimer heureux pour cela, car il se trouvait lui-même très malheureux de ne pouvoir se satisfaire pleinement de rien. Une fois, Messer Ottaviano de Médicis avait demandé à Giuliano de lui faire un portrait de Michel-Ange. Giuliano se mit à l'œuvre et, après avoir tenu Michel-Ange assis 2 heures sans parler, il lui dit « Michel-Ange, viens voir, lève-toi. L'essentiel de la physionomie, je l'ai attrapé. » Michel-Ange se leva et, quand il vit le portrait, il dit en riant à Giuliano « Que diable as-tu fait? Tu m'as enfoncé un œil dans la tempe. Regarde un peu. » Giuliano, à ces mots, fut hors de lui. Il regarda plusieurs fois le portrait et son modèle alternativement et il répondit hardiment « Il ne me semble pas, mais remets-toi à ta place et je le corrigerai s'il y a lieu. » Michel-Ange, qui savait ce qu'il en était, se replaça en souriant en face de Giuliano qui le regarda à diverses reprises, ainsi que sa peinture, puis se leva et dit « L'œil est tel que je l'ai dessiné, et la nature le montre ainsi. » « Eh bien donc, » fit Michel-Ange en riant, « c'est une faute de la nature. Continue et ne ménage pas la couleur. » Tant d'indulgence dont Michel-Ange n'était pas coutumier avec les autres hommes et qu'il prodiguait à ses petites gens ne suppose pas moins d'humour railleuse qui s'égaye des ridicules humains que d'affectueuse pitié pour ces pauvres fous qui se croyaient de grands artistes et qui lui inspiraient peut-être en retour sur sa propre folie. Il y avait là bien de l'ironie mélancolique et bouffonne.